Cosa? J'ai encore le souvenir de mon cœur dans ma cachette. Pendant de danser collé au fond de la guinguette, l'accordéon nous a soufflé jusqu'au matin. Ton corps contre les miens, mes envies dans tes pensées. L'accordéon nous a soufflé tous ses amours. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Yeah, yeah. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Chaque mélodie, chaque goutte de sueur, chaque break, chaque tour, on funambule de sol en sort. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, ma main frôlant ta peau et nos jambes entrelacées. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. La nuit filait, je voulais sans rien voir. Les larmes de tes yeux qui disaient déjà adieu. La nuit filait et tu es parti avec elle. Qui sait vers quelle étoile, vers quel ciel. Qu'aujourd'hui encore, lorsque la corde en s'emballe, je pense au fort. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer.